Après quelques années, je me rends compte de l'importance de la parole. Oh, pour la conscientisation, oui. Oh, oui, ça m'est arrivé de dire des choses, puis je ne le savais pas avant de le dire. Et là, l'exercice, entre autres, c'est pour ça, au fond, qu'on parle. C'est pour ça que Bernard lui parlait, je pense, dans le fond.